sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tien de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir et bienvenue à l'Aérospatiale. C'est votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, toujours sur les ondes de DCKRL 89.1. Jean-Tien de la France avec vous pour la prochaine heure et on va parler beaucoup d'éléments qui ont encore lien avec Manif d'art parce que Manif d'art envahit la ville pendant quelques mois avec beaucoup, beaucoup d'expositions, d'activités. Il y a le colloque international Art actuel, vie quotidienne et nature dont Mélanie Fleurant parlait avec Patrick Turmel qui va avoir lieu en fin de semaine. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui à l'émission. On va d'abord avoir une chronique d'Anne-Sophie Homer. Bonsoir Anne-Sophie. Salut Antienne. Anne-Sophie, tu vas nous parler de l'installation vidéo Driftless de Felipe Castelblanco à la bande vidéo. Oui. Et ensuite, je vais recevoir la chroniqueuse Sophie Lessard, La Tendresse, qui va, elle, nous parler de l'installation vidéo Living with Contradiction, qui est présentée au lieu, qui a été réalisée par l'artiste autochtone Nadia Mir. Et en deuxième partie d'émission, je vais m'entretenir avec Isabelle Trépanier, qui est commissaire de l'exposition Territoire humain à Espace Parenthèse, donc dans le grand volet jeune commissaire de Manif d'art, qui présente des commissaires, des artistes de Québec, donc une belle occasion de faire beaucoup de belles découvertes. Et Isabelle Trépanier a réuni 6 artistes qui dialoguent très très bien ensemble autour de ce thème-là, Territoire humain. Mais pour l'instant, on va écouter une pièce de Sens. Encore une fois, une belle proposition de Simon Roy cette semaine. Sens, c'est un projet musical de Colin Teams qui vit à Minneapolis et qui fait dans la musique d'ambiance, down-tempo, très abstraite. C'est vraiment là, basé sur du sampling en bon chinois, instrumental, musical. Et ça va être des extraits de son 5e album qui s'appelle Night Games. On va commencer par la pièce Monkey Bars. Channels. Anne-Sophie Homard, t'es allée à la bande vidéo. Oui. Pour voir l'installation vidéo de Felipe Castelblanco. C'est une installation vidéo qui nous fait un peu vivre des performances qu'il a fait un peu partout dans le monde. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on parlait voyage, ben, je me suis offert un voyage. Là, c'est l'aspect plutôt poétique parce qu'en fait, Felipe Castelblanco, entre 2012 et 2017, il a fait beaucoup de résidences, beaucoup de voyages et puis il a réalisé cette performance. Donc, c'est une sorte de radeau un peu sauvage. Mini, mini radeau. Oui, tout à fait. Voilà. Déjà, on est assez surpris. Donc, il le met à l'eau, ce radeau. C'est un mini radeau avec une chaise en bois par-dessus ou à un moment une chaise en plastique. Pliante. Puis, exactement. Qui est déposée, tout simplement. C'est exactement ça. Puis tu le vois monter et tu dis, oh, t'es, si t'as déjà essayé du surf ou si t'as déjà essayé comme ça d'être sur de l'eau, même de l'eau calme, c'est compliqué. Il se complique la vie, le vraiment. Monsieur Castelblanco. Et puis tu le vois qui avance, qui pagaie. Avec une seule rame. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que justement, on va déjà contextualiser l'exposition. Oui. Tu rentres dans cette pièce, puis tu as trois grandes projections, trois vidéos, et tu as la possibilité de t'asseoir sur le radeau, sur la chaise en bois qui a été utilisée pour les images de Québec. C'est la même qui a été mise à l'eau, c'est celle-ci. Donc, ben, évidemment, je me suis assise dessus. C'est une chaise totalement inconfortable. Hein. Oui, oui, oui. Et on a une vidéo devant et une à droite, une à gauche. Donc, c'est on est vraiment. Totale immersion. Notre regard est vraiment immergé. C'est pour ça que j'avais vraiment l'impression de voyager parce qu'au final, il a fait des vidéos en Colombie, en Californie, au Mexique, en Angleterre, en Italie, en Norvège, en Suède. C'est vraiment des paysages magnifiques. Oh, Philippines, ouais. Australie, tu passes d'une plage de sable blanc à une montagne enneigée. C'est vraiment incroyable les expériences. Puis il est toujours là avec son eau, avec sa petite chemise sur son radeau en train d'avancer. Et c'est vrai que voilà, et d'essayer d'avancer, je dirais. Oui, d'essayer, d'essayer tout à fait. Et il y a ce côté, voilà, si on veut simplement être immergé dans l'œuvre, on a l'impression d'être dans un voyage. Puis là, c'est sûr que tu te poses forcément la question puisque tu fais un parallèle avec les migrants, avec ces embarcations de fortune réalisées avec trois planches où ils mettent leur vie en danger chaque jour. Puis ça donne un petit peu cette impression effectivement qu'il a essayé de reproduire ce passage de frontière, ce risque de se jeter à l'eau alors que lui il est sur des eaux calmes en bordure d'eau et puis qu'il n'a pas essayé de traverser des frontières maritimes. Mais effectivement, on parlait de l'inconfort de cette chaise en bois, on est sur l'inconfort, l'insécurité de ces embarcations justement vraiment dangereuses qu'on a pu voir passer dans les médias par milliers. Et puis je pense que c'est vraiment c'est un beau travail qu'il a fait durant toutes ces années pour mettre aussi cette chose en avant finalement. Puis c'est intéressant avec justement cette disposition aussi de deux vidéos sur le côté et une au centre qui ne sont pas nécessairement en continuité, qui vont généralement être dans le même lieu, dans le même moment, dans la même performance, mais des fois, il y a des petits décalages. Oui. On se croirait... Ben, il y a presque un croisement entre le médium cinéma, le médium vidéo et le médium bande dessinée. Ça devient un peu comme des cases de BD. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ça commence et puis tu vois Felipe qui est sur la première vidéo à gauche, puis ça continue ensuite sur celle d'en face, mais effectivement, parfois, c'est une autre image. Techniquement, on peut apercevoir de temps en temps, si on regarde un peu plus près, qu'il a une GoPro parfois à sa ceinture. Et donc il y a certaines images, ça vient d'un montage, mais c'est ses propres images, d'où le fait qu'on ait des images en décalage aussi, que ça soit pas vraiment une scène. Mais il est facile de rentrer dans cette scène, d'y croire, de penser qu'on est au milieu de ce triptyque et qu'on évolue dans le même paysage, alors qu'effectivement, souvent c'est des points de vue différents aussi. Oui, puis il y a des transitions aussi. Oui. À un moment donné, quand on passe d'un lieu d'un moment à un autre, il y a une image du nouveau lieu qui apparaît, donc il y a comme des espèces de transitions comme ça. Il y aurait comme une narrativité qui s'installe dans le montage de ces trois projections-là. Complètement. As-tu vu aussi cette intégration d'une image des informations aux États-Unis? À la toute fin, c'est la finale de la boucle. Quand il se fait arrêter. Oui, il se fait arrêter par la police. Voilà. Et puis là, on a des images qui proviennent d'autres sources, qui sont un peu plus floues. Oui. La police qui vient le chercher sur l'eau. Et puis les images du journal télévisé qui en fait la nouvelle. Oui, voilà. Et puis qui coupe finalement cette narration un petit peu... le fait de voguer sur les eaux locales. On sort du contemplatif, on exactement. Est dans l'actualité. On est dans l'actualité, on se dit, quelqu'un sur un radeau de fortune comme ça, qui se fait arrêter par la police, en bordure d'eau, qui va... On ne sait pas exactement ce qui va se passer avec lui. Bon, Puis on revient avec cette évocation que tu as fait également de la situation d'une personne migrante qui doit traverser des cours d'eau, qui doit traverser des frontières et qui se fait revirer de bord là. Mais c'est ça. Mm-hmm. C'est exactement ça, c'est vrai qu'au niveau de finalement de sa narration par l'image, on s'aperçoit qu'il en passe des frontières, je sais plus combien il a fait de pays, je crois dizaine, il y en a 10 voilà. Une dizaine de pays. Donc là c'est comme si en 15 minutes, il avait passé 10 frontières finalement sur son petit radeau de fortune. Et je trouve ça beau parce que il y a comme cette image de l'aventure de dépasser un petit peu les frontières, mais effectivement c'est un montage. Mais nous, quand on est assis là au milieu, on ressent énormément de choses et c'est un bel effet. Et parmi ces villes qu'il a expérimentées, Felipe Castelblanco. il est venu à Québec pour une résidence l'an dernier. Il a navigué sur le fleuve. Oui. Donc, on reconnaît certains lieux. On peut, en connaissant le paysage de Québec, on peut situer à peu près d'où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est arrivé. Oui, oui. Il est parti à un moment de on voit l'île d'Orléans. Montmorency. Oui, ouais. C'est ça. Île d'Orléans et également Rive-Sud. Et on voit ces images, effectivement. Donc là, il était en résidence à la bande vidéo, tout à fait. Et c'est Ricardo à la technique, à la bande vidéo, qui l'a aidé dans sa pérégrination. Et oui, ça prend quelqu'un pour filmer, pour le mettre à l'eau. C'est ça. Oui, donc on voit la chute Montmorency, mais pas le point de vue pittoresque qu'on connaît. On voit... ressent le danger un peu. Oui, oui, oui. Tu sais, le danger de la chute de cette puissance de l'eau, de la nature face à l'être humain sur son petit radeau. Puis je trouvais ça assez fort. On voit également des plans de vue avec des énormes cargos. Oui. Donc on peut s'imaginer le petit être humain qui est rien du tout par rapport à la taille de tout ça. Oui, c'est ça, qui est un grain de sable à côté d'un énorme cargo. Et on termine avec des images un peu plus typiques d'une vue sur le Vieux-Québec, le château Frontenac, voilà. Donc de ce qu'on peut retrouver sur la traversée de Québec-Lévis, là. Mais il y a pas seulement des paysages urbains dans ce montage-là, il y a plusieurs paysages qui sont très naturels, grandioses. Sauvages. Donc, on est vraiment dans l'ordre du sublime. Oui, vraiment, vraiment. Notamment, je pense que c'est la Norvège, la Suède, où tu aperçois ces grandes montagnes, tu demandes est-ce que je suis en Islande, où est-ce que je suis. Puis juste après, tu es dans une sorte de jungle, tu crois être au milieu de l'Amazonie, mais bon, quand tu connais la liste des pays, c'est pas vraiment ça. Mais c'est ça, ils te transportent sans te donner. Puis l'importance, enfin. Ça n'a pas d'importance de savoir où tu es, mais tu y es avec lui. Oui, oh oui. Puis d'avoir cette multiplicité de points de vue avec les trois projections, il y a quelque chose qui vient donner une expérience qui est plus immersive, qui est plus complète. Donc c'est une très très belle expo de Felipe Castelblanco. Je l'ai bien dit cette fois, c'est présenté jusqu'à quand? C'est jusqu'au 21 avril. En fait, ça continue avec toute la marée de la manif. C'est ça. Donc, Felipe Castelblanco, un Colombien qui vit actuellement en Suisse. Et à la bande vidéo, donc déplacez-vous pour voir cette belle œuvre vidéo. Et nous, on va partir pour une petite pause musicale. Et au retour, c'est Sophie Lessard, la tendresse, qui vient nous parler de ce qui se passe au lieu. Bonsoir Sophie. Bonsoir Gentiane. Alors Sophie Lessard, la tendresse, t'es allée voir l'exposition, l'installation vidéo, je dirais, oui, de Nadia Amir qui est présentée au lieu. Et on en parlait un peu pendant la pièce musicale qui vient jouer hors d'onde. C'est inhabituel dans la pratique de Nadia Amir, cette proposition-là. Oui, effectivement, mais c'est une proposition vidéo. Je dois t'avouer que je ne m'étais pas du tout préparée à recevoir une telle proposition de sa part. Nadia Amir, qui est une artiste que je respecte énormément, mais que je connaissais beaucoup plus pour son travail. Avec le perlage, oui. Elle réinvente le perlage, oui, de différentes manières. Mais il y a une de ses œuvres qui est marquante, je dirais, dans l'histoire de l'art actuel au Québec, qui est The Indian Act. Oui, elle a repris toutes les feuilles du document de la loi sur les Indiens. Et elle fait du perlage en, oui, rouge et blanc, oui, où le rouge ou le blanc tient lieu d'écriture. Il y a quelque chose de très poétique, mais aussi il y a beaucoup de l'exploration de la douleur puis de la mutilation aussi, mm-hmm, dans sa pratique. Mais ça me fait penser un petit peu aussi à The Scar Project qu'on, oui, peut voir au Musée des Beaux-Arts du Québec ici. Ouais. Donc moi c'est exactement ça. J'étais habituée, en fait, suis habituée de voir des travaux de Nadia Amir comme ça. Et là on entre au lieu puis on est étonnée parce que, oui, c'est vraiment documentaire comme pratique, oui, ce qu'elle, oui, présente. Oui, on rentre puis il me fallait juste un bol de popcorn puis j'étais prête à regarder en fait le vidéo. Un vidéo par contre qui est super intéressant quand tu as le temps de regarder au complet. Qui incite aussi au dialogue. Puis ça on peut reconnaître ça quand même dans la pratique de Nadia Amir qui cherche beaucoup à revisiter l'histoire sociopolitique des peuples autochtones. Puis elle nous invite tout le temps en fait à faire des questionnements liés à l'identité puis propose un dialogue. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé là avec l'installation du lieu. Ouais, la cueillette de témoignages, oui, fait un peu partie de sa pratique et est au centre un peu de ce... En fait, c'est une espèce de table ronde, mm-hmm, qui a eu lieu alors qu'il y avait un sommet sur l'art autochtone au Banff Centre pour les arts en février 2016. Et nous, on assiste en direct à cette table ronde-là avec deux projections qui ont deux points de vue différents, je dirais, sur cette table ronde-là. Et au milieu, des objets. Oui. Parce que c'est le sujet principal de la discussion, l'objet. Oui, l'objet, en fait, l'objet autochtone. Comment, en fait, cet objet-là peut vivre dans un contexte qui est alloctone, en fait. La discussion porte vraiment sur la création, l'authenticité, puis les enjeux de l'art autochtone. Puis je trouve ça super intéressant. Puis je pense que pour vraiment bien comprendre l'œuvre Living with Contradiction de Nadia Amir, faut vraiment le mettre, en fait, dans son contexte. Puis dans le contexte canadien, je trouve qu'on l'entend un peu moins parler au Québec, dans la province de Québec, oui, mais vraiment au Canada, on est vraiment dans le contexte de la réconciliation puis de la reconnaissance de l'art autochtone. Et les artistes donc qui participent à cette table ronde-là sont tous des artistes autochtones et ils se questionnent justement, mais comment faire pour respecter nos traditions, respecter l'objet, le matériau autochtone dans un contexte où par exemple, les arts visuels ne sont pas les métiers d'art, sauf que lorsqu'on se penche vraiment sur la question, l'art autochtone, c'est un mélange entre les deux, parce qu'on parle, on a parlé du perlage, du tissage, oui, mais c'est aussi l'art. Donc, on se questionne là-dessus dans cette vidéo-là. Puis, il y a quelque chose aussi de très, j'essaie de me remémorer un peu des éléments de discussion. Il y a quelque chose de très incarné aussi dans la relation dans les cultures autochtones avec les objets. Oui. Il y a quelque chose de plus incarné que nous, les Alloctones, souvent c'est très utilitaire ou on, oui, se demande à quoi ça sert, alors que c'est vraiment une perception qui est différente. Il nomme, justement, dans cette vidéo-là, il nommait l'importance, en fait, l'objet incarne le cycle de la vie et la mort fait partie du cycle de la vie. Et pour les Autochtones, c'est normal qu'un objet va tirer à sa fin, va retourner à la terre, si je le traduis mot pour mot, alors que dans un contexte où on est très préservation, conservation, restauration, mm-hmm, des œuvres, un objet autochtone ne peut pas mourir, entre guillemets, ouais. Dans un contexte, par exemple, muséal. Oui, c'est ça, c'est ça que j'allais dire, dans un contexte de muséo, d'ethnographie. On va chercher à garder les traces des civilisations pour pouvoir les montrer des spectateurs futurs. Oui, exactement. Alors que là, dans des contextes de d'usage, puis je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait des discussions aussi. Tu parlais du cycle de la vie avec l'objet qui vient à sa fin, à sa mort, mais dans les discussions, il parlait aussi de renouvellement. Oui. De renouvellement perpétuel. Oui. C'est que le cycle de la vie, la vie, la mort fait partie de ce renouvellement perpétuel, oui. Autant pour un objet, autant que pour un être humain. Il paraît qu'à toutes les 7 ans, on change complètement de cellules dans notre corps. Ah, oh, ça, je savais pas. Oui. C'est bon. OK. Mais tu vois, ça nous amène sur plein de sujets, cette vidéo-là. Mais en fait, je vais rattraper un petit peu ce que tu dis. Puis, le cycle de la vie, c'est comme perpétuel. Mais une notion qui était super intéressante aussi que les participants ont amené, c'est l'héritage, dans le fond. Ouais. La tradition de l'oralité, puis comment c'est super important pour les artistes autochtones de respecter un protocole culturel. Ouais. Donc, quand on parle de protocole culturel pour les Autochtones, on demande vraiment aux aînés le droit d'utiliser un récit traditionnel ou à l'artiste, dans le fond, d'utiliser sa technique. Puis, donc, l'oralité, le savoir-faire passe de génération en génération. Et dans un contexte contemporain, c'est moins possible, tout mm-hmm. simplement. Donc, on parlait vraiment dans ce contexte-ci, dans la vidéo, c'était vraiment la question d'une désintégration là, inévitable, en fait, là, de l'objet. De cette culture-là de transmission du savoir-faire, de la fabrication des objets. Oui, mais les artistes autochtones, eux, revendiquent une meilleure reconnaissance, par exemple, de l'aura, je dirais, immatérielle des œuvres. Mm-hmm. Donc ce qui en dégage, ce qui n'est pas nécessairement l'objet en tant que tel. Puis je trouvais ça justement intéressant de cette vidéo-là, de la remettre dans ce contexte-là, comme je le nommais tout à l'heure, sur vraiment le contexte de réconciliation puis la reconnaissance des arts autochtones. Puis surtout que, en février 2018, donc ça fait un peu plus d'un an, il y a eu le manifeste pour le rayonnement des arts autochtones, qui cherchait vraiment à éliminer là, l'écart entre l'art autochtone et les allochtones. Puis je trouve que même si cette vidéo-là est tournée en 2016, je pense que Nadia Amir, c'est un peu une prémisse de ce qui s'en venait mm-hmm. Deux ans après, pour présenter vraiment comment l'art autochtone, il y a tellement d'obstacles multiples. Tu sais, on pense là à l'art contemporain. L'art contemporain, on souhaite faire absolument table rase du passé, alors que l'art autochtone, du tout, c'est super important, comme oui, on le met. Oui, oui. Là, puis, mais si on ancre trop une pratique dans le passé, dans une tradition, à ce moment-là, il y a un risque de folklorisation mm-hmm. aussi. Oui, ça c'est super intéressant, effectivement, d'apporter cette... Oui, ouais. C'est un risque de folklorisation, ouais. de le figer, puis de ne le considérer que comme étant un art qui est autochtone, oui. un objet d'art qui est autochtone, mm-hmm. alors que ça a une portée qui peut être universelle, là, qui n'est pas nécessairement cantonnée à être cette étiquette-là. Oui, effectivement, c'est super intéressant ce que tu apportes. Puis je trouve que la facture, en fait, vidéo, le fait qu'on a le matériau. Oui, parce qu'on on n'a pas parlé de la projection milieu. Là, il reste quelques secondes avant la pause publicitaire. Donc, la projection milieu, c'est une espèce de scan 3D de différents objets. Oui, mais des matériaux, puis des objets aussi autochtones qu'on voit en noir et blanc. Ouais. Donc, on est toujours. Constamment, en fait, on regarde l'objet autochtone qui est vraiment le questionnement central là, de cette vidéo-là. Mm-hmm. Puis autour de cet objet-là, on voit, comme tu disais là, tout à l'heure, différents points de vue de cette discussion-là. Donc, on est constamment ramené au sujet central. Mais merci beaucoup, Sophie Lessard-Latendresse, pour cette Jean-Tienne. Très, très belle chronique sur Living with Contradictions de Nadia Amir, qui est présentée au lieu jusqu'au 21 avril. 7 avril. Jusqu'au 7 avril. Donc, oui. on se dépêche. Et nous, on se dépêche pour aller à la pause publicitaire. Et au retour, c'est Isabelle Trépanier qui vient nous rencontrer. Les 29, 30 et 31 mars, c'est le Radiothon de CKRL. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don.

comment ça pouvait prendre place dans une exposition avec une thématique comme ça. Puis c'est comme ça que ma réflexion s'est amorcée, dans le fond, là. Et il y a quelque chose qu'on remarque, qu'on remarque peut-être pas tout de suite, parce que c'est assez fréquent de voir des expositions collectives avec plusieurs artistes femmes. Mm-hmm. Mais tu le mentionnes dans ton texte de présentation. Ouais. C'est quelque chose qui est important dans ta pratique commissariale, dans ton rapport aux œuvres. Pourquoi? Parce que je trouve ça important, l'apport des femmes dans les arts visuels, un. Mm-hmm. Et deux, le rapport au corps d'une femme est rarement pareil à celui d'un artiste homme, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant d'aller questionner ça dans cette exposition-là, d'aller questionner comment les femmes envisagent ce rapport-là entre le corps et la nature. Mm-hmm. Fait que je suis allée là-dedans, puis je suis tombée sur une citation de Natacha Canapé-Fontaine qui parle du corps-territoire, qui est une écrivaine autochtone. Puis chez les Autochtones, c'est ultra important. Le féminin et le territoire vont comme de pair, ça se libère pas. Fait que là, ça a comme fait un... Tout s'est aligné. Oui, c'est ça, Eureka. Oui, c'était ça. C'était ça, l'expo. C'est ce moment-là. Oui, c'est ça. Le moment Eureka de l'exposition. Ouais. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi en lisant le communiqué, la description de l'exposition, c'est que la majorité des œuvres ont été créées pour l'exposition. Absolument. Ouais. Donc, toi, t'es pas allé dans les ateliers des artistes pour dire « j'ai vu cette œuvre-là ». Donc, il y a une collaboration qui s'est installée entre toi et les artistes, les artistes, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé entre les artistes, entre toi et les artistes? Bien, en fait, moi, j'ai comme... j'aime pas ça dire ça, mais j'ai comme magasiné les artistes un peu. Dans c'est un peu ça, la job de commissaire. C'est ça. J'ai cherché un peu qui... Ouais, on fait de la recherche. Ouais, c'est ça. Chez qui ça pouvait résonner, cette réflexion-là un peu floue qui était dans ma tête. Puis j'ai invité ces 6 artistes-là. Puis ce que je leur ai dit d'emblée, je leur ai présenté ma proposition et je leur ai dit, moi, j'ai envie qu'on travaille ensemble comme une équipe. Mm-hmm. J'avais pas envie de pointer des œuvres, puis de pointer des trucs, puis de dire, ah oui, je veux ça. Oui, d'avoir un rapport de commissaire qui est comme un rapport de pouvoir. Non, qui pas vient... du tout. C'est ça. J'aurais détesté mon expérience si ça avait été ça. Fait que ce que je leur ai dit, c'est j'ai envie qu'on travaille ensemble, puis qu'on jase. Mm-hmm. Puis on s'est rencontrés, on a discuté. Puis il y a des vraiment belles choses qui sont sorties de ça. Il y a des artistes qui se connaissaient pas. Il y a des liens, des parentés entre des pratiques qui sont apparues, qui m'étaient même pas apparues à la base, qui ont sorti de cette discussion-là. Fait que on a vraiment travaillé comme une équipe, puis ça a créé des belles choses. Vraiment. Ouais. Oh oui, ben oui, c'est une très très belle expo. Merci. Puis tu parlais de la sensibilité féminine. Il y a quelque chose. On peut pas le nommer. On peut pas dire c'est une expo qui se revendique d'une sensibilité féminine, mais on le ressent. Ouais, mais c'était un peu d'une ça certaine mon but. Manière. Oui, c'est ça. Ouais. Donc pas de le faire, de l'affirmer à coups de marteau. Non, c'est on n'est plus dans les années 70. Mais il y a quand même quelque chose de très présent. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué en visitant l'exposition, c'est qu'il y a cette réflexion-là qui est entretenue sur les relations entre le corps humain et la nature, mais il y a très, très peu de représentation en tant que telle de l'être humain, du corps humain. Comment t'expliques ça? Dans la sensibilité de ces artistes-là, je pense. Je pense que le corps ressort dans leur sensibilité, dans les représentations, mais c'est beaucoup aussi le corps du visiteur. Ça finit par être notre corps qui ressent tout ça, puis qui finit par l'absorber, si on veut. Oui. Donc, c'est vraiment de l'ordre d'une expérience que notre corps peut faire en visitant l'exposition, puis des expériences que les artistes, que les corps des artistes absolument peuvent faire au contact de la nature, ou dans la façon dont elles font de l'art. Et là, on parle de concepts, d'idées, de notions, de ressentis, mais on n'a pas encore nommé les artistes. Mais on a le temps amplement. Donc, il y a Magali Hébert-Huot, Evelyne Boulevard, Amélie Laurence Fortin, Julie Bellavance, Catherine Barry et Marie-Fauve Bélanger. Ce sont toutes des artistes de Québec. Oui. Et on pourrait y aller une après l'autre, en ordre d'apparition. Magali Hébert-Huot, qu'est-ce qui t'a amené à choisir son travail? son rapport à la nature. Ouais. Puis c'est une fille qui a passé 10 ans aux États-Unis. Ouais. Puis qui vient tout juste de revenir. Mm-hmm. Puis elle s'intéresse beaucoup à l'hiver. Là, le printemps est arrivé depuis comme 2 minutes, mais on va recommencer à parler d'hiver. 8 minutes et quart. mais c'est ça, elle se questionne beaucoup sur les symboles forts de l'identité québécoise. Tu sais, les œuvres qui sont dans la galerie, entre autres 2 sapins de Noël qui ont mm-hmm. été comme épluchés. Mm-hmm. Ces trucs-là qui viennent, tu sais, le bûcheron, le ouais. bois, c'est venu tout de suite me chercher, puis on aurait dit que ça parlait de ce que j'avais écrit, tu sais, c'était puis, automatique. Puis il y a comme le bois dénudé hein, ouais. de son écorce, ouais. Avec des branches, avec beaucoup de petites branches. Oui. Donc il y a quelque chose aussi d'un peu animiste à quelque part. Là. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ça peut devenir peu des flou. Personnages. Oui, puis c'est toujours un peu... on sait jamais c'est quoi le matériau, tu sais, à part le bois, là. Mm-hmm. Les trucs, on sait pas si c'est mou, si c'est dur, on sait pas. Mm-hmm. Les couleurs sont des fois vraiment franches, mais des fois, c'est-tu rose fluo ou c'est rose pastel? Mm-hmm. Fait que cette espèce d'ambiguïté-là mm-hmm. était vraiment intéressante chez Magali. Je trouvais ça vraiment... Ça marchait. Oui, un très beau travail qu'on découvre parce que oui. Magali vient de revenir ouais, à Québec. Ouais. C'est la première fois qu'elle présente ses pièces à Québec. Ouais, en fait. Ouais. Et Evelyne Boulevard, ouais. Une artiste là, qui a quand même une bonne carrière ouais. Qui est représentée et tout, qui présente plusieurs œuvres peintes, imprimées. Ouais. Puis c'est intéressant parce que le travail d'Evelyne Boulevard, tu l'as pas comme mis tout en paquet dans non. un coin. Tu l'as disséminé oui. pour la faire entrer un peu en dialogue avec les œuvres absolument. Des autres. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as réfléchi ce dialogue-là des œuvres d'Evelyne avec alors, les... On l'a fait ensemble, en fait. Mmh. J'avais vraiment pas envie d'une exposition classique là, où tout est sectionné. Ouais. C'était pas ça mon idée, puis c'est pas comme ça qu'on a travaillé non plus. Fait que pour moi, c'était vraiment pertinent de mélanger les choses. Puis même dans d'autres œuvres aussi, j'ai mélangé des affaires. Fait que en voulant installer ces tableaux à Evelyne, ben à un moment donné, on s'est dit, ben non, on peut pas tout mettre à la même place. Mm-hmm. Puis on a fait des pairages qui un peu instinctifs, finalement, de qu'est-ce qui allait bien avec quoi. Puis... Donc, elle était arrivée, puis il y avait déjà une partie des œuvres qui étaient installées, puis elle s'est comme infiltrée un peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'installé? Il n'y avait pas grand-chose d'installé. Il y avait des choses que je savais où ça allait aller. Que, t'sais, il y avait des choses claires dans mm-hmm. ma tête. Il y avait l'œuvre d'Amélie qui était déjà installée. Puis ouais. là, on a comme joué avec ça, là. Mais c'était vraiment... c'était corporel, finalement. Là, oui. on s'est promené avec les tableaux dans la galerie. Ouais. Donc, on est vraiment dans le... Donc, le corps... qui fait l'expérience ouais. des œuvres de l'installation. Et les œuvres d'Evelyne Boulevard, c'est du 2D quand ouais. même, mais on peut se projeter quand même dans ces œuvres-là. Ouais. Là. Il y a une immense sensibilité dans son travail, mm-hmm. à l'environnement, à la nature. Puis, tu sais, on sent qu'elle est allée sur place. Il y a des œuvres qui viennent d'un voyage qu'elle a fait au Belize qui témoignent d'une grande sensibilité à des problèmes environnementaux qui sont graves, mais tu regardes les images, puis c'est super doux. Fait qu'il y a comme tout ce chamboulement-là qui est super intéressant dans son travail, puis qui vient nécessairement chercher quelque chose de corporel, quelque chose dans les émotions, du oui. ressenti, ouais, là, vraiment. Ouais. Mais on va prendre une pause musicale avec oui. la pièce Cycle Spun de Sens, toujours une proposition de Simon Roy. Et au retour, on va continuer à parler de cette très belle expo avec Isabelle Trépanier. Yay! Hey. Thank you. De retour à l'aérospatiale. J'entends la France avec vous encore pour un certain temps, mais avec Isabelle Trépanier. Isabelle Trépanier, qui est commissaire de l'exposition Territoire humain, qui est présentée à Espace Parenthèse. Et avant la pause musicale, on a parlé du travail de Magali Barruotte, du travail d'Evelyne Bouleva. Et tu commençais à parler un peu de ce dialogue aussi qui s'installait entre les œuvres d'Evelyne Bouleva et d'Amélie-Laurence Fortin. Amélie-Laurence Fortin, qui est un travail... je parlais un peu plus tôt dans l'entrevue de ne pas représenter le corps humain. Ouais. Elle est dans la non-représentation. Ah oui, absolument. C'est vraiment des œuvres qui relèvent de l'audio, du sonore, ouais. Mais ça va plus loin que ça. Ah là. Oui, ça va loin. C'est vraiment des sensations, l'œuvre d'Amélie. C'est vraiment intéressant. En fait, c'est une grosse plaque de cuivre avec une installation sonore qui... la plaque de cuivre vibre, ça fait de la lumière. C'est comme visuel, auditif, puis tout ça en même temps. La lumière se reflète sur d'autres œuvres. C'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, sur les œuvres de Magali. Oui. C'est très, très beau. Oui, ouais. ça donne une vraiment super belle couleur. Puis je trouve ça beau comment... c'était même l'idée de Magali de mettre ses œuvres dans la lumière de l'œuvre d'Amélie. Oui, on parlait de collaboration tout à l'heure. Oui. Oui, c'est ça. Il y a de ça dans le choix qui s'est fait ensemble. Oui. C'est vraiment... Ça crée une espèce d'unité, puis le travail des filles n'est pas séparé ou cloisonné. Ça tout parle. C'est vraiment le fun. Et le travail d'Amélie-Laurence Fortin, on l'a reçu précédemment à l'émission. Mm-hmm. C'est vraiment c'est comme le résultat d'une résidence qu'elle a fait dans le Cercle Arctique. Oui, oui. Et les sons, c'est des rebonds de pierre dans la glace. Dans la glace. Mais on est ailleurs, on est dans le domaine de la science-fiction. Quasiment, oui. Oui, oui, ça crée une espèce d'expérience un peu étrange. Les gens cherchent à savoir c'est quoi ce son-là, puis ça résonne partout dans la galerie. C'est un peu un endroit... c'est très écho. Oui. C'est très, très écho. Ouais. Fait qu'on l'entend partout. Mm-hmm. Ça vient envelopper quand tout. Quand on entre dans l'espace, on ne sait pas trop d'où ça vient. Non, mais absolument. Ça fait partie de toute l'exposition. Absolument, ouais. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, c'est ça, de l'innommable dans ce travail-là. Et il y a au centre... de la pièce, là, si on peut dire ça. Il y a deux estampes de Julie Bellavance qui travaille en... Puis là, je cherche le mot. C'est en litho. En lithographie, merci. Qui travaille en lithographie et qui a expérimenté beaucoup avec des dégradés de couleurs. Ouais. Ce qui est nouveau dans son travail. Oui, on n'a pas l'habitude de la voir utiliser des couleurs beaucoup. Souvent, elle est dans les neutres où ses couleurs sont très, très foncées. Mais là, en voyant les couleurs des autres fille, elle s'est dit « Ah, ça me tenterait d'expérimenter la couleur. » Puis c'est vraiment magnifique. C'est extraordinaire. Oui, bien c'est ça, les papiers colorés avec la lithographie de couleurs par-dessus, ça va vraiment donner une espèce de présence, de matérialité. Ça devient un objet, la lithographie. C'est pas juste une surface. Exact. Puis sa façon de les présenter aussi fait en sorte que ça devient un objet. T'sais, ils sont pas au mur, mais ils sont pas sur un socle non plus. Oui, c'est comme des présentoirs un peu obliques, un peu comme je cherche le mot, mais un truc sur lequel on dépose du papier pour faire le discours. Oui, un lutrin. Un lutrin, merci. Oui. Ce travail-là de Julie Bellavance, quand on se positionne devant pour regarder les lithographies, on lève les yeux, on lève le regard et on tombe sur une broderie de Catherine Barry. Oui. Qui clash un peu avec l'ensemble. C'est beaucoup plus sombre que le reste. Il y a quelque chose de très lumineux dans l'ensemble. Puis là, on est dans un velours noir qui vient absorber toute la lumière. Oui, puis il y a une petite brillance en arrière. Ouais. Fait qu'on est comme dans quelque chose qui est à la base très sombre, mais quand on s'approche, ça brille. Oui. Puis elle fait référence au ciel, au... là, j'oublie le titre de son œuvre, elle va me détester. Mais... dans le fond, ça fait vraiment référence à quelque chose de spatial, à l'intérêt pour le spatial, puis l'exploration du ciel. Mm-hmm. Fait que c'est vrai que c'est un peu... On tombe dans quelque chose qui est moins terre-à-terre, moins terreux, si je peux dire. Mais on est dans l'exploration de la nature d'une autre façon. Mm-hmm. Donc, dans les yeux qui montent, qui montent vers le ciel et qui tombent un peu dans la contemplation. Oui, puis on est dans une technique ultra traditionnelle, féminine, la petite broderie. Ouais. C'est super délicat, puis... Et dans la section le plus de l'autre côté mm-hmm. du passage, on retrouve une autre œuvre de Catherine Barry, mais oui. également des œuvres de Marie-Fauve Bélanger. Oui. Puis là, on dirait que c'est un espace qui est beaucoup plus sculptural, cet oui. espace-là, oui. l'exposition. Hein? Oui, ça s'est comme placé comme ça. Oui. Les œuvres de Marie-Fauve se sont comme mariées avec les colonnes de la galerie, ouais. Naturellement, avec le plancher. Puis l'œuvre de Catherine, la céramique, fait une espèce de surprise ultra malaisante oui. de l'autre côté, du petit mur. On tombe dans une représentation humaine, je sais pas si je peux dire, ouais. mais il y a comme une... Humanoïde. Ouais. ouais. qui est un peu bizarre, ouais. qui rend mal à l'aise. Et les œuvres de Marie-Fauve, on est vraiment dans le géologique, le ouais, terrestre, ouais, vraiment. Et une espèce de panoplie de matériaux de couleurs ouais. qui nous amène un peu dans une espèce de futur dans 100 ans. Là, ouais. On ne mm-hmm. sait pas trop si c'est le résultat d'une catastrophe ou si c'est le résultat de quelque chose qu'on ne voulait pas ou finalement qu'on... Tu sais, ce n'est pas clair, mm-hmm. mais c'est très beau. Ben, merci beaucoup Isabelle Trépanier de t'être déplacée pour nous parler de cette exposition dont tu es commissaire, Territoire humain qui est présenté à Espace Parenthèse. Et tu as un autre rôle à Espace Parenthèse, oui. pas seulement commissaire. Et puis là, on prendrait peut-être une petite minute pour parler de l'appel de dossier, ouais. parce que c'est l'appel de dossier du 10e anniversaire. Oui. Et la date limite s'en vient, là. Oui, ben là, c'était supposé être le 24, mais on a extensionné un petit peu jusqu'au 31 mars, mm-hmm. donc jusqu'à la fin mars pour envoyer un dossier à la galerie, que ce soit un dossier de commissariat ou un dossier d'artiste. Puis on regarde ça, puis on monte la programmation du 10e anniversaire. C'est complètement fou. Ben, c'est merveilleux, oui, ça. Oui, j'ai vraiment hâte de voir. Donc, on va partir avec un extrait de Guns and Butter, toujours de Sands. Et au retour, on parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine. Alors, toute la semaine, au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a encore le Festival international de films sur l'art. Ça a commencé lundi et il y en a tous les après-midi, tous les soirs, jusqu'à dimanche. Suivez ça, il y a vraiment des très, très beaux documentaires à voir. Demain, jeudi, le 21 mars, il va y avoir une conférence d'Hugo Nadeau et Steven Girard dans le cadre du Mars de la maîtrise. C'est au Roulement Bille à partir de 17 heures. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire vendredi, le 22 mars. D'abord, le colloque de Manif d'art, art actuel, vie quotidienne et nature qui débute. Donc, c'est pour 2 jours, vendredi et samedi, de 9 à 5. Et il va y avoir également l'exposition Jeux de pouvoir, montrer, imposer, manœuvrer, qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval à partir de 17 heures. C'est le vernissage. Également, une exposition de Marie-Claude Drolet, Lauriane Thibodeau et Mathilde Leveau qui se nomme Au-delà de cette construction numéro 1 qui va être présentée au 875 rue de la Reine. Vernissage à 17 heures. Il va également y avoir un vernissage du côté de la Galerie 3 pour l'exposition La boucle de Curls d'Andrea Mortson et une exposition collective élaborée qui est présenté aux ateliers du réacteur par les artistes du réacteur, donc les artistes locataires. Vernissage vendredi, exposition toute la fin de semaine. Il va y avoir également une soirée de poésie. Et c'est la dernière semaine pour aller visiter les expositions témoins co-commissariées par Anne D'Amour-McDonald et Julien Saint-Georges-Tremblay dans 4 bibliothèques de la Ville de Québec. Donc, on avait reçu Anne D'Amour la semaine dernière pour nous parler de ces expositions-là. Donc, la bibliothèque Gabriel Leroy, Aliette Marchand, Neuchâtel et Monique Corriveau. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est dimanche, la dernière journée pour aller voir ces expositions-là. Et j'aimerais terminer cette émission en vous disant que la programmation du Radio-Temps a été lancée cette semaine, lundi. Et si vous voulez continuer à écouter notre émission, à donner voix aux artistes de Québec et d'ailleurs, à encourager le dialogue et la réflexion autour du monde des arts visuels à Québec et à continuer à écouter plus d'une centaine de bénévoles comme nos collaboratrices ici à l'aérospatiale, comme moi à l'animation, comme Pierre Blais qui vient d'entrer en studio. Allô. Donc, qui anime bénévolement chaque semaine cette émission. Donc, si vous voulez continuer à nous entendre, on vous encourage à faire un don au Radio-Temps des CKRL. Et je ne terminerai pas sans remercier mes collaboratrices Anne-Sophie Homer, Sophie Lessard, La Tendresse. Mille merci à notre invitée Isabelle Trépanier. Et je remercie aussi Jacques Gignac, le Édouard Manet de la mise en onde. Merci. Merci à Simon Roy, fidèle collaborateur pour la sélection musicale toutes les semaines. Et donc, on a Pierre Blais ici en studio. Et dans quelques minutes, c'est l'émission Situation critique qui va débuter. On est en onde. Oui, on est en onde. On est en onde. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, oui. Tu vas nous parler de avec mon équipe de collaborateurs. Avec ton équipe de collaborateurs. Mon excellente équipe. De Slash Nexus. Cash Nexus. J'ai mal écrit. Ben, Cash Nexus. Donc tu me disais. C'est un bizarre de titre. Oui. Cash Nexus. Mais c'est un film. Tu disais qui est très très sombre. Ah, absolument. Sûrement l'un des plus. Déjà que certaines personnes méchantes langues trouvent que le cinéma québécois il est dark en bon québécois. ce film là est assez sombre. Merci. Et d'ailleurs, je vais recevoir en entrevue François Delisle avec Caroline Stevenson. C'est vendredi matin 7h45. Mais dans environ une demi-heure, Jason Béliveau, qui a vu le film, va venir nous parler de Cash Nexus, ouais. Dernier film de François Delisle. C'est l'histoire d'un homme, junkie, avec sa blonde, la drogue, la misère noire à Montréal. Il y a rien qui va dans sa vie. Et il va tomber sur sa famille, sur son frère. Et là, il va se mettre à revoir son père et son frère, mais il était complètement brouillé avec sa famille, qui est une famille bourgeoise. Donc, complètement aux antipodes de lui, ce qu'il vit dans la rue depuis plusieurs années. Et c'est ce monde-là, rempli de haine, d'aigreur, mépris entre eux, qu'on va explorer durant plus de 2 heures dans ce film. Plus de 2 heures? Et toi qui as écouté le film, est-ce que ça finit bien? Non. Ah non, zut. Non, ça peut pas finir bien, des histoires comme ça. Ben merci beaucoup, Pierre Blais. Ceux qui aiment quand ça fait mal, là. Cash Nexus. Donc, on reste à l'écoute de CKRL parce que c'est à ton tour dans quelques minutes. Allô, ici Denis Barry, vous êtes encore en vie et c'est merveilleux. Salut, c'est Jean-Pierre Gay en compagnie de Jean-Sébastien Grondin. Le samedi 23 mars, dès 21h au Bal du Lézard, nous animerons un spectacle hommage à Denis Barry, animateur renommé de l'opineur du chef à CKRL. Je pense à toi là, qui écoute à l'autre bout du monde. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre du Radioton qui aura lieu les 29, 30, 31 mars. Alors, si ça vous tente d'avoir un tour de soucoupe volante, ben, je vous en promets. % des profits du spectacle Hommage seront remis pour la rénovation du studio Denis Barry à CKRL. 10 $ à la porte. Vous ne pouvez être présent. Ce spectacle sera retransmis en direct sur les ondes de CKRL. Profitez-en pour faire un don entre 21h et minuit au 418-640-2575 ou par PayPal. Le 23 mars, spectacle hommage à Denis Barry. J'imagine que pour vous, ça peut représenter tout plein de souvenirs, d'événements. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Aujourd'hui, à Situation Critique, le film chinois Les Éternels, les documentaires Ziva Postek, Maguerre et Apollo 11 et le tout dernier long-métrage de François Delisle, Cash Nexus.